Chapitre 27. Les grands hommes de guerre de la Lorraine. Histoire de Jeanne d'Arc. N'attaquez pas les premiers, mais si on vient vous attaquer, défendez-vous hardiment, et vous serez les maîtres. Jeanne d'Arc. Le samedi suivant, Julien fut encore le premier. Il était si content qu'il sautait de plaisir en revenant de l'école. Madame Gertrude était assise à sa fenêtre, devant sa machine à coudre. La fenêtre était ouverte, car elle faisait beau temps. En relevant la tête, Madame Gertrude aperçut de loin le petit garçon. À son air satisfait, elle devina vite qu'il avait de bonnes nouvelles. Elle lui sourit donc. L'enfant aussitôt éleva en l'air ses bons poings et accourut à toutes jambes pour les lui mettre dans la main. Cette fois, il ne dit rien pour se glorifier, mais le cœur lui battait d'émotion. « Vous êtes un brave enfant, Julien. Embrassez-moi et dites-moi ce qui vous ferait le plus de plaisir. » Car je veux vous récompenser. » Julien rougit, et lorsqu'il eut embrassé la bonne dame, « Peut-être bien, Madame Gertrude, qu'en cherchant dans votre mémoire, vous y retrouveriez encore une histoire à me raconter, comme celle de Claude Lorrain. Mon Dieu, Julien, puisque vous aimez tant la Lorraine, et que j'ai commencé à vous parler des grands hommes qu'elle a donnés à la patrie, je veux bien continuer. » Julien approcha sa petite chaise pour mieux entendre, car la machine à coudre faisait du bruit. Et il ne voulait pas perdre une parole. Vous saurez d'abord, Julien, que toutes les fois qu'il s'est agi de défendre la France, la Lorraine a fourni des hommes résolus et de grands capitaines. Vous vous rappelez que la Lorraine est placée sur la frontière française. Nous sommes donc, nous autres Lorrains, comme l'avant-garde vigilante de la patrie. Et nous n'avons pas manqué à notre rôle. Nous avons donné à la France de grands généraux pour la défendre. Nancy a vu naître Drouot, fils d'un pauvre boulanger, célèbre par ses vertus privées comme par ses vertus militaires, et que Napoléon Ier appelait le sage. Bar-le-Duc, le chef-lieu du département de la Meuse, nous a donné Oudinot, qui fut blessé 35 fois dans les batailles, et Excelmans, autre modèle de bravoure. Le général Chevert, de Verdun, défendit une ville, avec quelques centaines d'hommes seulement, et donna l'exemple d'une valeur inflexible. Et votre ville de Phalsbourg, petit Julien, elle a vu naître le maréchal Lobau, encore le fils d'un boulanger, qui devint un de nos meilleurs généraux et dont on disait « il est invariable comme le devoir ». Mais si les hommes en Lorraine se sont illustrés à défendre la patrie, sachez qu'une femme de la Lorraine, une jeune fille du peuple, Jeanne d'Arc, s'est rendue encore plus célèbre. Écoutez son histoire. Jeanne d'Arc était née à Dorémy dans le département des Vosges, où nous sommes, et elle n'avait jamais quitté son village. Bien souvent, tandis que ses doigts agiles dévidaient la quenouille de lin, elle avait entendu dans la maison de son père raconter la grande misère qui régnait alors au pays de France. Depuis 80 ans, la guerre et la famine duraient. Les Anglais étaient maîtres de presque toute la France. Ils pillaient et rançonnaient le pauvre monde. Les ouvriers n'avaient point de travail. Les maisons abandonnées s'effondraient, et les campagnes désertes étaient parcourues par les brigands. Le roi Charles VII, trop indifférent aux misères de son peuple, fuyait devant l'ennemi, oubliant dans les plaisirs et les fêtes la honte de l'invasion. Lorsque la simple fille songeait à ces tristes choses, une grande pitié la prenait. Elle pleurait, priant de tout son cœur Dieu et les saints du paradis de venir en aide à ce peuple de France, que tout semblait avoir abandonné. Un jour, à l'heure de midi, tandis qu'elle priait dans le jardin de son père, elle crut entendre une voix s'élever. « Jeanne, va trouver le roi de France, demande-lui une armée, et tu délivreras Orléans. » Jeanne était timide et douce. Elle se mit à fondre en larmes. Mais d'autres voix continuèrent à lui ordonner de partir, lui promettant qu'elle chasserait les Anglais. Persuadée enfin que Dieu l'avait choisie pour délivrer la patrie, elle se résolut à partir. Tout d'abord, elle fut traitée de folle, mais la ferme douceur de ses réponses parvint à convaincre les plus incrédules. Le roi lui-même finit par croire à la mission de Jeanne et lui confia une armée. À ce moment, les Anglais assiégeaient Orléans, et toute la France avait les yeux fixés sur la malheureuse ville, qui résistait avec courage, mais qui allait bientôt manquer de vivres. Jeanne, à la tête de sa petite armée, pénétra dans Orléans, malgré les Anglais. Elle amenait avec elle un convoi de vivres et de munitions. Les courages se ranimèrent. Alors Jeanne, entraînant le peuple à sa suite, sortit de la ville pour attaquer les Anglais. Dès la première rencontre, elle fut blessée et tomba de cheval. Déjà le peuple, la croyant morte, prenait la fuite, mais elle, arrachant courageusement la flèche restée dans la plaie et remontant à cheval, courut vers les retranchements des Anglais. Elle marchait au premier rang et enflammait ses soldats par son intrépidité. Toute l'armée la suivit, et les Anglais furent chassés. Peu de jours après, ils étaient forcés de lever le siège. Après Orléans, Jeanne se dirigea vers Reims, où elle voulait faire sacrer le roi. D'Orléans à Reims, la route était longue, couverte d'ennemis. Jeanne les battit à chaque rencontre, et son armée entra victorieuse à Reims, où le roi fut sacré dans la grande cathédrale. Jeanne déclara alors que sa mission était finie, et qu'elle devait retourner à la maison de son père. Mais le roi n'y voulut pas consentir et la retint en lui laissant le commandement de l'armée. Bientôt Jeanne fut blessée à Compiègne, prise par la trahison et vendue aux Anglais qui l'achetèrent 10 000 livres. Puis les Anglais la conduisirent à Rouen, où ils l'emprisonnèrent. Le procès dura longtemps. Les juges faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour embarrasser Jeanne, pour la faire se contredire et se condamner elle-même. Mais elle, répondant toujours avec droiture et sans détour, savait éviter les embûches. « Est-ce que Dieu hait les Anglais ?» lui demanda-t-on. « Je n'en sais rien, » répondit-elle. « Ce que je sais, c'est qu'ils seront tous mis hors de France, sauf ceux qui y périront. » On lui demandait encore comment elle faisait pour vaincre. Je disais « Entrez hardiment parmi les Anglais, » et j'y entrais moi-même. Jamais, ajouta-t-elle, je n'ai vu couler le sang de la France sans que mes cheveux se levassent. Après ce long procès, après des tourments et des outrages de toutes sortes, elle fut condamnée à être brûlée vive sur la place de Rouen. En écoutant cette sentence barbare, la pauvre fille se prit à pleurer. « Rouen, Rouen, disait-elle, mourrai-je ici ?» Mais bientôt ce grand cœur reprit courage. Elle marcha au supplice tranquillement. Pas un mot de reproche ne s'échappa de ses lèvres, ni contre le roi qui l'avait lâchement abandonnée, ni contre les juges iniques qui l'avaient condamnée. Quand elle fut attachée sur le bûcher, on l'alluma. Le frère qui avait accompagné Jeanne d'Arc était resté à côté d'elle, et tous les deux étaient environnés par des tourbillons de fumée. Jeanne, songeant comme toujours plus aux autres qu'à elle-même, eut peur pour lui, non pour elle, et lui dit de descendre. Alors il descendit et elle resta seule au milieu des flammes qui commençaient à l'envelopper. Elle pressait entre ses bras une petite croix de bois. On l'entendit crier « Jésus, Jésus !» et elle mourut. Le peuple pleurait. Quelques Anglais essayaient de rire, d'autres se frappaient la poitrine, disant « Nous sommes perdus, nous avons brûlé une sainte !» Jeanne d'Arc, mon enfant, est l'une des gloires les plus pures de la patrie. Les autres nations ont eu de grands capitaines qu'ils peuvent opposer aux nôtres. Aucune nation n'a eu une héroïne qui puisse se comparer à cette humble paysanne de Lorraine, à cette noble fille du peuple de France. Dame Gertrude se tut. Julien poussa un gros soupir, car il était ému, et comme il gardait le silence en réfléchissant tristement, on n'entendait plus que le bruit monotone de la machine à coudre. Au bout d'un moment, Julien sortit de ses réflexions. « Oh, madame Gertrude, s'écria-t-il, que j'aime cette pauvre Jeanne, et que je vous remercie de m'avoir dit son histoire. » Drouot. Il naquit à Nancy en 1774 et mourut en 1847. Homme de guerre et de science, tout à la fois, il fit la campagne d'Égypte sous Bonaparte et s'illustra plus tard dans toutes les campagnes du Premier Empire, surtout dans les batailles de Wagram, de la Moscova, de Lutzen, où il décida la victoire. Après Waterloo, il rallia les débris de l'armée et les conduisit au-delà de la Loire. Il se retira ensuite à Nancy où il mourut. La maison de Jeanne d'Arc. C'est à Domrémy, en 1409, que naquit Jeanne d'Arc. On montre encore aujourd'hui cette maison qu'un Anglais voulut acheter en 1814 à un prix élevé, mais que le propriétaire ne voulut pas lui vendre. Près de la maison, en l'honneur de Jeanne d'Arc, on a fondé une école gratuite pour les jeunes filles du pays. Statue de Jeanne d'Arc à Orléans. Les habitants d'Orléans, reconnaissant envers Jeanne d'Arc, qui avait sauvé leur ville, lui ont élevé une statue. Cette statue est sur une des principales places d'Orléans, cité de 50 000 âmes, d'un bel aspect, située sur les bords de la Loire et du canal d'Orléans.